Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Londres, février 1939. Sur le pont de Westminster, dans la nuit noire, deux silhouettes se faufilent à travers la brume. Derrière eux, Big Ben, la mythique horloge de la ville, indique 11h45. Ce sont deux agents secrets. Ils travaillent pour le MI6, les services de renseignement britanniques. La guerre avec l'Allemagne est désormais inévitable. Le jour venu, nous devrons être prêts. Réunissez les meilleurs mathématiciens de ce pays. Trouvez-moi des sacrés tronches, des illuminés qui comprennent la magie des chiffres, et ramenez-les à Bletchley Park. Nous devons décrypter Enigma. En cette veille de Seconde Guerre mondiale, toutes les armées du monde communiquent par radio. Position des sous-marins, attaque surprise, tout se transmet à travers les airs et sous l'eau grâce aux ondes. C'est pratique, mais facile à intercepter par les ennemis. Alors, pour protéger les informations les plus confidentielles, on tente de les rendre incompréhensibles. On les transforme en mystérieux charabia. Bref, on code les messages. Enigma, c'est la botte secrète des Allemands. Une machine électrique dont le code évolue en cours de message et dont les réglages changent toutes les 24 heures. Alors, qui pourrait arriver à percer le secret d'une pareille machine? Il faudrait, un mathématicien de génie? Un esprit original? Oh! Il faudrait Alan Turing! En 1939, le bonhomme a 27 ans. Ce grand timide, toujours mal fagoté, bien plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les humains, obsédé par les machines, fan de Blanche-Neige et des sept nains, est un être insaisissable, mystérieux, en un mot, énigmatique. Une énigme chargée de déchiffrer une autre énigme? Ouh, ça promet! Épaulé par une équipe de choc, Alan Turing va tenter l'impossible. Le nom de cette opération? Ultra. Ultra mou? Ultra chaud? Oh, ultra froid? Non, ultra, tout simplement. C'est une mission top secrète. L'Allemagne nazie sera-t-elle vaincue grâce aux mathématiques? Alan Turing versus Enigma, c'est la grande aventure de cette odyssée. Une fouillée après l'autre, en maintenant un souffle régulier, Alan Turing court. Il court longtemps, hein, tous les jours, dès qu'il peut. C'est comme ça que ses meilleures idées lui viennent. Comme ça qu'il tente de mettre de l'ordre dans le chaos du monde. Alan, attendez-moi, j'arrive. Au moins l'endroit est agréable. Nous sommes entourés de verre. Des arbres, un immense parc, un lac, il y a pire. Nous sommes le 4 septembre 1939. Alan vient d'arriver à Bletchley Park, un immense manoir de briques rouges, paumé au beau milieu de la campagne anglaise. La veille, l'Angleterre est entrée en guerre contre l'Allemagne. Le nom de Bletchley Park ne te dit rien? C'est normal. Le site, classé secret défense, appartient au service secret britannique. Il abrite le DCNCS, le bureau du chiffre, chargé de décoder les communications ennemies. Bienvenue dans la plus grande usine de renseignement du monde. Ici, on intercepte, on écoute, on déchiffre, nuit et jour, des centaines, des milliers d'ordres ennemis dont il faut percer le secret avant qu'il ne soit trop tard. Pour accueillir le personnel toujours plus nombreux, 8 sortes de baraques, appelées huttes, ont été construites dans les jardins. Les numéros 3, 4, 6 et 8 sont dédiés à la machine Enigma. Nous allons entrer dans la hutte numéro 8. Inspirez. Ouvrez vos chakras. Oh, pardon, je me suis trompée. Ce n'est pas la bonne. Autant pour moi. Ah, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alan se tient debout, au milieu d'un groupe d'environ 30 personnes. Tous s'observent du coin de l'œil. Ils ne se connaissent pas, pourtant, ils vont devoir faire équipe. X au cube, entre parenthèses, Y au carré. Il y a là de brillants mathématiciens, bien sûr, mais aussi des archéologues, des spécialistes des langues, des joueurs d'échecs, des experts des mots croisés. Coriace, impitoyable, difficile. Il ne suffit pas d'être un as des mathématiques pour réussir à briser un code, ni même d'être intelligent d'ailleurs. Non, non, c'est un art plus mystérieux, plus complet encore, qui demande de connaître plusieurs langues, des symboles, des cultures. Le décodeur doit être malin, avoir du flair, de l'intuition, et infiniment, infiniment, infiniment, infiniment, infiniment, infiniment, infiniment, infiniment. Excusez-moi, je m'étais endormie. Infiniment de patience. Au milieu de la pièce, un officier de la marine vient de poser une sorte de petite machine à écrire sur une table de bois. Messieurs, voici la bête. Elle ne fait pas meumeu, mais elle est coriace. Des officiers polonais l'ont chipé aux Allemands et nous l'ont envoyée. Enigma. Alors la voilà, l'arme secrète des Allemands. C'est un rectangle noir muni de petites touches. Un objet ultra simple en apparence, mais qui renferme une merveille de complexité. Chaque fois qu'un opérateur de l'armée allemande tape sur une touche, il transforme une lettre en une autre. Ainsi, un P peut devenir un V et un R, un L. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Ou la pluie, hein, vu qu'on est en Angleterre. La grande innovation des Allemands, c'est que les lettres varient à chaque frappe. Ainsi, au cours d'un même message, un S peut devenir un V, puis un L, puis un M, ou encore un T. Allez-y, messieurs, faites le test. Tapez le mot piou-piou 1000 fois de suite et vous verrez. Vous n'obtiendrez jamais le même résultat. Ajoutez à cela que les réglages de la machine changent tous les soirs à minuit. Et voilà, vous tenez notre casquette. Casse-tête. Voyons, voyons, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Enigma possède 5 roues qui modifient les réglages et 10 câbles de connexion. Ce qui veut dire que la machine offre 3 moins 5 plus 10 plus 10 000 plus 353 000 moins 4 plus 6. Oh purée, mais je suis perdue! Ça fait précisément 159 milliards de milliards de combinaisons possibles qu'il faudrait tester chaque jour en 24 petites heures. Affirmatif. Eh bien messieurs, bonne chance! Enfin, bonne galère, oui! C'est absolument impossible! Les Anglais ont une machine entre leurs mains. Ils interceptent chaque jour des milliers de messages allemands. Mais sans le code, il pédale dans la choucroute. Ou dans le porridge. D'ailleurs, c'est ce qu'Alan est en train de racler dans son assiette. Du porridge. Dis donc, bah, qu'est-ce qu'il fredonne ? Ah mais oui, évidemment, Blanche-Neige ! Il a vu le film 8 fois, alors forcément, il connaît les chansons. Alan, ce soir, est plongé dans ses pensées. Enigma. Quelle incroyable, quelle merveilleuse invention. Les machines fascinent notre mathématicien depuis toujours. Leur beauté, leur potentiel, c'est là-dessus que porteront tous ses travaux futurs. Les machines seront-elles un jour intelligentes? Pourront-elles penser? Les jours, les semaines, les mois passent dans la hutte numéro 8. L'équipe travaille d'arrache-pied. Enigma reste muette. Hélas, ça urge. Voilà 2 ans que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Sous l'eau, dans l'océan Atlantique Nord, les U-boats, les redoutables sous-marins allemands, torpillent les cargos de ravitaillement destinés à armer et nourrir l'Angleterre. Adolf Hitler veut affamer ses adversaires. Les assiettes des Anglais se réduisent, à vue d'œil. Alan aime travailler seul. Ce n'est pas qu'il méprise ses camarades, non, pas du tout. C'est plutôt qu'il a du mal à interagir avec les autres êtres humains. Ses parents partis travailler en Inde, il a grandi seul, et dans cette solitude, il est devenu un être à part. Surprenant. Insaisissable. Glitchy Park, il débarque avec un masque à gaz pour se protéger des rhumes des foins. Il possède un ours en peluche et cadenasse sa tasse à thé à un radiateur. Sans doute, pour qu'elle ait plus chaud. Alan ne voit pas le monde comme les autres. Et c'est tant mieux. Il a des idées que les autres n'ont pas. Et si seule une machine pouvait combattre une autre machine ? Bingo ! Il faut construire un système capable de calculer toutes les combinaisons possibles. Une machine à décrypter qui pourra rivaliser avec Enigma. En voilà une idée de génie ! Alan se met tout de suite au travail. Des semaines durant, il plonge sur ses feuilles de calcul jusqu'à ce qu'il tienne sa machine. Messieurs, voici les plans. Vous avez devant vous ce qu'on appelle une bombe. Il ne plaisante pas, hein. C'est vraiment son nom. Hey Alan, t'es sympa, mais des machines, on en utilise déjà. Pas comme celle-ci. La mienne, vous verrez, c'est de la dynamite. Ah, il a essayé de faire une blague. Elle est beaucoup plus performante. Avec elle, on va aller beaucoup plus vite. Bon ben, c'est parti. Alan prend la direction de la hutte numéro 8. Son équipe et lui travaillent nuit et jour dans un seul but, briser le code des systèmes Enigma utilisés dans les sous-marins allemands. La bombe est enfin prête. C'est un monstre d'acier, une machine énorme, faite de centaines de boutons, de câbles électriques, de petits trous. Alan la branche. La voici qui mouline, qui mouline, qui mouline et mouline encore pendant des heures. Hélas, sans résultat. Bon sang, mais qu'est-ce qui coince ? Elle a besoin d'un petit coup de pouce, voilà tout. Ça, c'est la voix de la mathématicienne Joan Clark. C'est la seule femme de l'équipe et également une très grande amie. Il y a encore trop de combinaisons à tester. Pour éliminer des possibilités, tu sais comment ça marche. Faut trouver des répétitions, des mots qui reviennent. Oui, mais comment les repérer dans tout ce charabia ? Ah, attends, les signatures. Les Allemands terminent tous leurs messages avec la formule « Heil Hitler », ces lettres. H-E-I-L-H-I-T-L-E-R se trouve à la fin de chaque message. Je pense à autre chose, là. Si, par exemple, la lettre A est chiffrée par un E, alors avec un peu de chance, la lettre E doit être chiffrée par un A. Ce qui élimine encore plus de possibilités. Elle est là, la faille de leur code. C'est la clé. Bravo, pile poil dans le mille. Wouhou ! Ce soir-là, grâce à l'intuition de notre mathématicien, la bombe arrive à décrypter un message... En 10 minutes. Enfin, ça y est, Enigma a livré son secret. Nous sommes en 1942. L'Angleterre peut désormais déchiffrer les messages ennemis et ainsi déjouer les plans de la Kriegsmarine, la redoutable marine allemande. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. En perçant le secret d'Enigma, Alan Turing et son équipe de choc ont très probablement raccourci la guerre de 2 ans et sauvé des centaines de milliers de vies. Grâce à leur travail, les Anglais et leurs alliés gagnent la bataille de l'Atlantique, une bataille décisive de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que, 2 ans plus tard, des milliers de navires peuvent débarquer sans être torpillés, 100 000 soldats américains, anglais et canadiens, sur les plages de Normandie, le 6 juin 1944. C'est le D-Day. Le débarquement. Son travail à Bleachy Park terminé, Alan Turing a repris ses recherches à l'université. Ses travaux ont participé à la création du premier ordinateur. Il a posé les bases de l'informatique et inventé le concept d'intelligence artificielle. Il a en partie construit le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alan Turing était homosexuel. Parce qu'il aimait les hommes et qu'à cette époque, en Angleterre, cela était contraire à la loi, il est arrêté puis condamné par la justice. À l'âge de 42 ans, désespéré, il décide de se donner la mort en croquant dans une pomme empoisonnée comme son héroïne fétiche, Blanche-Neige. Notre héros est resté très longtemps inconnu du public. Et oui, les vrais héros restent parfois dans l'ombre. D'ailleurs, regarde bien autour de toi. Qui sait, dans ton entourage se cache peut-être un grand héros de l'histoire que l'humanité découvrira un jour, bien plus tard. Derrière cette odyssée, il y a Fanny Leroy, Basile Bocquer, Cédric Diallo, Marion Lelay et moi, Laure, Grand Besançon. Soixante ans après sa mort, la reine d'Angleterre, Elizabeth II, a accordé à Alan Turing une grâce royale. Ce geste, assez rare, a permis d'annuler sa condamnation. Alors oui, bon, c'est vrai que c'est un peu long, mais au moins, c'est arrivé. Il y a eu réparation. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Après le succès, la reprise. Retrouvez Laure Grand Besançon sur scène dans le spectacle Les Odyssées, adapté du podcast. Actuellement au Théâtre Libre à Paris. Réservez vos places.